Encore à cet astre. Espèce de soleil, tu songes. Voyez-les, sépentins morphinés, buveurs de lait d'anesse et de café. Sans trêve, en vain, je leur caresse les chines de mes feux. Ils vont, étiolés. Et c'est toi qui n'as plus que des rayons gelés. Nous, mais nous crevons de santé, de jeunesse. C'est vrai, la terre n'est qu'une vaste kermesse. Nos hurrahs de gaieté courbent au loin les blés. Toi seul claques des dents, car tes taches accrues te mangent au soleil, ainsi que des verrues, un vaste citron d'or. Et bientôt, blond moqueur, après tant de couchants dans la pourpre et la gloire, tu seras en risée aux étoiles sans cœur, astre jaune et grêlé, flamboyante éclumoire.